Jean Lebrun, le vif de l'histoire, quatrième et dernière chronique consacrée aux femmes du Panthéon, avant l'hommage et l'entrée au Panthéon mardi de Joséphine Baker. C'est d'elle que vous parlez aujourd'hui. Pourquoi faut-il prononcer Baker, s'il vous plaît? C'est elle qui demandait qu'on la nomme ainsi. Elle était plus fière de son français, acquis de haute lutte, que de son anglais, qui trahissait toute la misère de Saint-Louis et de ses quartiers pauvres, où elle avait vécu son enfance. Et puis, en 39, recevant dans sa villa du Vésinet le capitaine Aptet, avec qui elle allait faire équipe dans les services secrets, elle lui avait dit « C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Je suis prête, capitaine, à lui donner ma vie. » Elle prononce ses paroles à Beauchêne, sa maison du Vésinet. On associe volontiers le nom de Baker à de grandes demeures, le château des Milandes, où elle accueillera tant d'enfants adoptés, notamment. Mais on peut aussi penser aux cabarets intimes, son amant, mentor, manager, Giuseppe Abbatino, surnommé Pepito, lui en ouvre un dès décembre 1926 chez Joséphine, rue Fontaine, Trudaine, 0711. J'ai noté le numéro dans le dernier livre consacré à Joséphine, celui de Gérard Bonal chez Talandier. Mais on peut aussi associer Joséphine au paquebot. En 1925, sur le Berengaria, je sais pas comment vous prononcez. Berengaria, moi je dirais. Ouais. Elle n'est qu'une dans la troupe embarquée des quelques 25 artistes de la Revue Nègre. Mais sur la scène des Champs-Élysées, elle est de suite la vedette, dès les répétitions. Et ensuite, Pepito s'emploie à lui donner une stature internationale et les voyages en bateau au long cours vont s'enchaîner. Exemple, 1929. Le Giulio Cesare jusqu'à San Polo. Puis le retour du Brésil en France avec le Lutetia. Vous allez voir que le bateau peut se combiner à la maison. Parce que sur le quai, Joséphine s'exclame « Tiens, monsieur le Corbusier !» C'est en Argentine, où l'architecte faisait une tournée de conférences, que la première rencontre s'était produite. Et pendant la longue traversée, le Corbu, épaté, dessine Joseph dans Joséphine, dans de nombreuses positions. Nu, couché dans un peignoir rose et argent, mais note-t-il dans son carnet, elle raccommode les chaussettes de Pepito. Avec Pepito, il discute à trois de la maison que l'architecte pourrait construire pour Joséphine. Elle aime bien ce que j'appellerais l'architecture nudiste, vous voyez, dépouillée, qui permet les bains de soleil. Le Corbu, qui adore le jazz, commence à écrire un ballet pour elle. Un homme et une femme dansent l'un contre l'autre. Joséphine s'avance, chante, et au loin, il y a un grand transatlantique. Plus tard, elle racontera qu'au passage de la ligne sur le Lutetia, le Corbu se déguise en Joséphine Baker. Il aurait fait un bon partenaire. Il est comique à froid, disait-elle. Le Corbu mourra dans son fameux cabanon de la Côte d'Azur, non loin de la villa de Joséphine que lui a prêté la princesse Grâce de Monaco. Allez, encore une maison et une rencontre. Pendant la guerre, elle a fait d'un palais de Marrakech un grand centre de renseignement anti-nazi. Vous voyez, plafond de chêne dans les salons, fontaine dans les patios. Et à la Noël 43, un visiteur inattendu, François Mitterrand. Retour d'une entrevue escarpée avec le général de Gaulle. Philippe de Chartres, un gaulliste, le décrit ainsi à l'époque. Il est morlant dans la résistance, des pantalons de golf, de grosses chaussures de montagne, des mollets nus et les cheveux collés au backer fixe. C'est quoi le backer fixe? C'est une idée de génie de Pepito, un fixateur pour la coiffure des hommes et dont les femmes se servaient aussi pour farder leurs paupières. Ses contemporains, même s'ils n'ont rien partagé de sa vie d'aventure inouïe, ont tous eu quelque chose de Joséphine Baker. Qui entre donc au Panthéon mardi prochain et le livre de Gérard Bonal, c'est chez Talandier, Joséphine Baker, du musical au Panthéon. France Inter.